je vise plus haut que les buildings. Dans la rap, je fais partie des plus dignes. Pourtant, je suis pudique. Tu prétends être le meilleur, mais j'aurais pu le dire. Si t'arrêtes plus que je bousille, toi t'impressionnes que des fuselles. Te demande pas pourquoi je suis plus zen. Moi, je préférais les francs, franchement, on sait manger la carotte du siècle. Comme toujours, on va avec ou on s'adapte. Ça fait déjà un bon moment que ça date. Ici, la chance s'attarde. Marianne se fout de nous, va pas croire que je me soucie d'elle. Chez moi, un minon sur 10, ça détend dans suicidaire. C'est dur à dire, mais c'est comme ça, et puis c'est tout. C'est la dèche, cherche la fraîche. J'ai hâte de viser le trou. À chaque mesure, j'ai l'impression que ma vie s'écroule. Et dès que je me lâche, je me sens comme un dollar qui vide ses couilles. N'oubliez pas ceux qui nous écoutent, mais fuck ceux qui nous critiquent. J'ai 132 raisons de rapper, voilà pourquoi j'écris. Arrivé dans la musique en roue arrière, avec le regard des durs. Jour en tiré pour revenir en arrière. On rappe au tempo que la rue joue. Chez nos principes, pas plus de valeur que le bijou. Gardien d'attitude, les voix d'en bas, fais le bisou. Tout a bien failli ne jamais exister. On exprime notre rage à travers un arme, une manière de résister. Plutôt mourir au combat que vivre à genoux. Porteur du flambeau, parce que depuis la naissance, c'est inscrit au fond de nous. Nos destins valent la peine d'être vécu. Sourire aux lèvres, on marche sur nos rêves, on crache, on sur la vie de vaincu. La mort braque et sur la tempe, on cache le trac, la tristesse. Un cœur d'agneau pour les nôtres, une tête et des burnes pour le business. Pur et nous stop, prône à l'écro. Question cœur, c'est la rupture qui stoppe. Ce qui nous manque, d'autres l'ont trop. Tout le monde nous centre, nos vies des ghettos, notre reflet reflète ce que nous sommes. Quartier attitude dans ton rétro. Au fond du gouffre, on danse dans la douleur. S'acharne à chercher bonheur, retranché derrière l'honneur. On aime tout ce qui est défendu, que Dieu nous pardonne. Sur le terrain c'est tendu, donne de l'amour et on t'ordonne. Au monde qui morfle, aux équipes qui montent. Chez nous tragiquement, nombreux gages. Pourtant le temps c'est pas ce qui manque, élevé durement. On veut la victoire, sortir de la spirale. Le son de la douleur, pour la rue c'est pirate. C'est notre flambeau qu'on prend du fièrement. On raconte pas de bêtises. On dit tellement. On est trop haut, toi tu n'es qu'un petit qui fait grand. On a du style dans nos sons comme dans nos vêtements. C'est notre flambeau, faut qu'on le porte pour nos chants. Qu'on leur prouve qu'on a les crocs et qu'on écrive la légende. Marre de rouler sur les chantes, une victoire alléchante. Y'a de la fierté dans nos rap du moment où ça les chante. On dit que c'est devenu pourri, attends que je tape un fou rire. T'entends que le rap est mort et toi tu copes ça comme une bourrique. Je crois pas que tu comprennes ce qui se trame pendant que tu roupilles. On n'est pas très connu, par contre on a déjà plus d'une croupie. On a le mental parce qu'on a supporté le flambeau. Notre rap c'est comme une lame, PLEC qui va tes plans le vôtre. Y'a des flambeurs et le rap pour toi c'est un vrai spectacle. Je m'en bats les couilles, j'ai pas ce que t'as mais je suis respectable. Bienvenue dans l'arène, nous les stars, j'suis les gladiateurs. Je permettrais t'aider ta mère une fois qu'il t'accroche au radiateur. On présente les gens de notre génération, ceux qui attendent le virage pour faire une accélération. Notre équipe porte le drapeau des rescapés. Dommage pour les tapettes, j'aurais pensé qu'on allait se calmer. Oh ouais. Mais non, t'es fou pour mes 132, j'y mets le cœur. Big up à Wicked One, Docteur Popo, Graffiti Smaker. Big up à ces mêmes gens qui poussent la créa dans les vêtements. On se renvoie l'ascenseur car y'a pas le temps de glander bêtement. On a la classe mais pas l'oseille des gens célèbres. La fougue est celui qui l'ouvre, il prend une patate dans ses lèvres. C'est la rage du bitume dans tes enceintes. Et même si ça marche, on sera toujours des gens simples. Je veux du soleil comme Manu Chao. Paris, Marseille, les Acariens, Galache, le Raluciano. Le porteur du flambeau, place-nous parmi les parias et les clans d'eau. Les gosses reniés de Marianne, les gens qui parlent franco. Plus précieux que leurs alliages, des pleines pages, des frères et sœurs. L'aria, le cœur, l'encre et la sueur sous le bandeau. C'est l'unité, contre les porcs et leur immunité. Limité malgré l'effort, mort en toute impunité. J'ai pris le micro en 97. À l'heure qu'il est, j'ai quelques potes, quelques clopes et 90 cents. Mali, ça tourne, on veut notre heure de gloire. Nous, on a l'honneur d'y croire. Dire qu'il y en a encore qui meurent de soif. C'est notre histoire, faut qu'on rappe à balle. Qu'on aille chercher au bout de l'espoir. Qu'on fasse hala pour le macadam. Demande aux Osaka, chacun veut quitter sa cage. On s'attarde, on saccage, ça tourne jusqu'à Osaka. Lyrics, braquage, du son pour motiver les troupes. Modifier les routes, faire de la bombe, c'est notre flambeau. C'est notre flambeau qu'on prend du fièrement. On raconte pas que bêtises, quand on dit tellement. On est trop beau. Toi tu n'es qu'un petit qui fait grand. On a du style dans nos sons comme dans nos vêtements. C'est notre flambeau, faut qu'on le porte pour nos chants. Qu'on leur prouve qu'on a les crocs et qu'on écrive la légende. Marre de rouler sur les chantes, une victoire alléchante. Y'a de la fierté dans nos rap du moment où ça les chante.